Ouais, Nathan. Rouyano. 59. 62. Connexion Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Bienvenue dans le Nord, des primes passées par la mort. Nous dans notre secteur, on n'a pas peur, on sort les guns. Toi espèce de chienne, j'essaie de manger la poussière. Un coup de poing dans ta gueule et j'apprends ta tête sur le meuble. On est peut-être des chimies, mais si t'ouvres trop ta gueule on clique. Arrête de mater ma meuf, essaye pas de toucher à mon touch. Si tu veux pas saigner, tes mains t'intéressent d'être emballé. Vaut mieux pas que je tiens entre les mains, sinon je te renvoie d'où tu viens. T'as plutôt intérêt de nous écouter, ici c'est Connexion Nord-Pas-de-Calais. Ouais, Connexion Nord-Pas-de-Calais. On mâche pas nos mots, on écrit, on lâche notre flow. Tu peux pas tester, nous on chante avec souplesse. Quand t'écoutes notre son qui donne, le seul mot qui vient à la tête, c'est que ça cartonne, ouais. Connexion Nord-Pas-de-Calais, on mâche pas nos mots, on écrit, on lâche notre flow. Tu peux pas tester, nous on chante avec souplesse. Quand t'écoutes notre son qui donne, le seul mot qui vient à la tête, c'est que ça cartonne. Ouais. Je fais pas partie de ces gens qui jouent au billes. Dans le quartier y'avait pas pitié. C'est là que je me suis mis à chanter. Est-ce qu'il paraît y'a toujours des bastons entre mauvais garçons? Mais rien à foutre, au moins ça fait toujours de l'action. Je fais pas partie des garçons à jouer à la starlette, prêt à ouvrir ma braguette Hendek. Ouais. Sors ton fusil parce qu'on arrive à grande vitesse. Attends-toi à te prendre une décharge sur tes fesses. 59-62 sur le périph', prêt à te mettre plein ton pif. Ouais. Nord-Pas-de-Calais, prêt à te mettre une raclée. Toujours là quand il faut, pas besoin de gros. La vie ici c'est comme ça, bah ouais, barre-toi hein. Ouais. Connexion Nord-Pas-de-Calais. On mâche pas nos mots, on écrit, on lâche notre flow. Tu peux pas tester, nous on chante avec souplesse. Quand t'écoutes notre son qui donne, le seul mot qui vient à la tête, c'est que ça cartonne. Ouais, Connexion Nord-Pas-de-Calais. On mâche pas nos mots, on écrit, on lâche notre flow. Tu peux pas tester, nous on chante avec souplesse. Quand t'écoutes notre son qui donne, le seul mot qui vient à la tête, c'est que ça cartonne. Ouais, Connexion Nord-Pas-de-Calais, Nathan. Ouais. Rouliano.